Allez hop, on enchaîne, c'est parti, les infos. L'actualité musicale de la semaine sur Hilar FM. Après One Last Song et Pray, Sam Smith propose pour l'été un nouvel extrait de son nouvel album The Thrill of It All. C'est sur le titre Baby You Make Me Crazy que le chanteur britannique a jeté son dévolu, dévoilant au passage une belle session acoustique tournée en Italie. Jour J pour Kungs, le jeune DJ français revient aujourd'hui avec Be Right Here, un nouveau single qui fleure bon l'été, enregistré à Los Angeles. À cette occasion, Kungs se confie à Pure Charles sur sa collaboration avec le duo Stargate, producteur légendaire de Michael Jackson, Beyoncé ou encore Rihanna. Vous pouvez retrouver cette actu sur Pure Charles, sur leur site internet, pardon. Et on s'écoutera juste après la fin des infos, la musique, la nouvelle musique, voilà. Ariana Grande est dans les starting blocks. Le 17 août, la pop star américaine publiera dans les bacs son quatrième album, Sweet Tinner, qui devrait, comme ses trois prédécesseurs, se classer numéro 1 des ventes aux États-Unis. Tous les voyants sont déjà au vert. No Tears Left to Cry, le lead single, a atteint la troisième place du Hot 100 et son clip renversant cumule 320 millions de vues en 2 mois. En parallèle de sa vie amoureuse qui fait la une de la presse People, Ariana Grande multiplie les collaborations. On a vu poser sa voix de velours sur Dance to This de Troye Sivan et s'illustrer sur le Torrid Bed de Nicki Minaj. La chanteuse et la rappeuse ne se quittent plus d'ailleurs.